C'est à force de rester assis sur le ciment. Subitement, le jeune du gym ton ou du hall rapidement. Nique les sentiments. À squatter le perron, mec, jusqu'à s'en casser le perronné. C'est plus que le mental d'une armée qu'il faudrait pour le détrôner. Y'a pas de place pour les petits cons. Ton fils, ton boss, prendre son pilon. À l'heure où le chant des sirènes donne la migraine. Ma graine a poussé entre les siltons. À force de voir la mort sur le trottoir d'en face, faudra bien qu'on m'y laisse une tombe. À croire que j'aime tant ce putain de gym ton. Là où on se réunit, y'a que des soifards, dont pas beaucoup qui à l'école ont réussi. Ambiance toxico. Mais t'inquiète, y'a pas de schlag. Sa mère, sa bédave des camas jusqu'à plus de Chico. Ça part de films d'Al Pacino, de Niro. Des histoires de comico. De bagarres de bicrave et de braco. De ce fils de pute de Sargo et de Sago. De foot, j'en passais des meilleurs sans oublier les poucaves et les fachos. Ici, c'est pas rue de Charonne. Y'a pas Shalom, c'est la chasse à l'homme. Guérave si tu vois les schmides ou la daronne. Les gens passaient filange comme si qu'on sortait du zoo. Car ils nous voient là depuis l'époque, on était encore plus haut. Puisseux pour nous voir barrer. Les schmides ne font que de passer. Mais pour nous, la chape de là, c'est les marches qu'il faudrait casser. Jacté, gratté, les pécanes se font chasser. Comme d'habitude, je crois que ce soir encore, ça va ch'traquer. On tourne en rond pour passer le temps. Flotte comme Poséidon, les yeux tellement rouges, donne l'impression d'être possédé. Les raclons du gym qu'on sort tous du hall, prêt à sauter dessus pour le duel. On aime tout ce qui se chénave comme du bon duel. Crois-moi par ici, y'a pas de racli. Juste du McDo, du Brésil et du Bratlin. Des fois ça part en steak. C'est l'ambiance car le décor n'est pas rustique. Pour un stock, ma couille prend part d'un stick. Là où même le froid se deal quand il fait v'là le chaud. Mais quand il fait v'là le froid, crois-moi, c'est gilet palto. Dans nos têtes ça tourne, déjacté, déchiqueté. Ça doit être l'effet du Kamaz et du Jagda. L'atmosphère s'y fait peu fréquentable. On s'accroche mais on glisse comme sur une table avec un pied bancal. Mieux vaut ne pas s'asseoir n'importe où, y'a peut-être des molars. Assis entre Narvalo et Ex-Polar. C'est à force de rester assis sur le ciment. Subitement, le jeune du gym tombe ou du hall rapidement. Nique les sentiments. À squatter le perron, mec, jusqu'à s'en casser le perronné. C'est plus que le mental d'une armée qu'il faudrait pour le détrôner. Y'a pas de place pour les petits cons. Ton fils, ton boss, prendre son pilon. À l'heure où le chant des sirènes donne la migraine. Ma graine a poussé entre les siltons. À force de voir la mort sur le trottoir d'en face, faudra bien qu'on m'y laisse une tombe. À croire que j'aime tant ce putain de gym ton. Le Gilton, avenue Jean Moulin, 2325, ma gueule. Ça vient des bas-fonds, comme diraient les gars du 19, c'est bavon. Nous préférons le savon, la mode c'est mis sous et c'est pas bon. Mon gym, ton liquide, ton litron, en deux pilons. Nique ton style bidon, essuie donc le sang sur le guidon. Tu sais bien, mais si celui qui a fini dans ton œil. Et frite, évite les schmites, évite les litres, ça vient de mon trail. Là où ça joue rave, scourable, les boucades font ballon feu. T'es fou, sale, fou, ça. Dans le commissariat, nous parlons peu.